Chapitre 16e. Lorsque Charity sortit une heure plus tard, la pluie avait cessé et le fauve rayon de soleil s'épandait sur les champs. Arne est partie. Elle avait rendu sa bicyclette au loueur de Creston. Il n'était pas sûr d'être capable de faire à pied le long chemin qui conduisait de North Dormer à la montagne. La maison abandonnée se trouvait sur sa route, mais l'idée d'y passer la nuit lui était trop pénible. Il résolut de pousser jusqu'à Hamblin, où au besoin elle pourrait dormir sous un hangar si ses forces venaient à la trahir. Ses préparatifs avaient été faits avec une calme prévoyance. Avant de quitter la maison de Mr. Royal, elle s'était forcée à avaler un verre de lait et un morceau de pain. Elle avait mis dans son sac de toile un des petits paquets de chocolat que Harney portait toujours dans sa sacoche de cycliste. Avant tout, elle devait entretenir ses forces pour atteindre son but. Il fallait surtout éviter d'attirer l'attention. Elle reprit donc la route sur laquelle, si souvent, elle avait couru vers son amant. Quand elle atteignit l'endroit où le chemin forestier se détache de la grande route de Creston, elle se souvint de la tente de l'Évangile, depuis longtemps repliée et plantée ailleurs, et aussi de son sursaut de terreur involontaire au moment où le gros évangéliste lui avait dit « Votre sauveur sait tout, venez lui confesser votre faute ». Elle n'avait plus le sentiment de sa faute. Elle était animée par le seul désir de défendre son secret contre les regards insulteurs et de recommencer sa vie parmi les gens auxquels le code sévère du village était inconnu. Elle n'avait jamais formulé les raisons qui la poussaient à fuir. Elle ne savait qu'une chose, c'est qu'il lui fallait sauver son enfant et se cacher avec lui quelque part, dans un endroit où personne ne viendrait jamais les troubler. Elle marchait toujours, sentant que ses pieds devenaient plus pesants à mesure que les heures se suivaient. Un hasard cruel la forçait à refaire, pas à pas, le chemin qui conduisait à la maison abandonnée. Quand elle arriva en vue du verger, et qu'elle aperçut le toit gris d'argent dont la pente gondolée se perdait à travers les branches, ses genoux fléchirent, et elle dut s'asseoir au bord du chemin. Elle resta là longtemps, essayant de rassembler assez d'énergie pour dépasser la grille et les buissons d'églantine tout couverts de baies rouges. Quelques gouttes de pluie se mirent à tomber, et aussitôt elle se ressouvint des chaudes soirées d'été où Harney et elle se tenaient embrassés dans la chambre pleine d'ombre, tandis que le bruissement des averses d'été sur le toit accompagnait leurs baisers. À la fin, elle comprit que si elle s'attardait plus longtemps, la pluie la contraindrait à chercher un abri dans cette maison qui avait caché leurs courtes amours, et dont la vie lui faisait si mal. Elle se releva alors et reprit sa course, détournant les yeux au moment où il lui fallait passer devant la grille blanche et le jardin embroussaillé. Les heures s'écoulaient. Elle marchait de plus en plus lentement, s'arrêtant de temps en temps et pour se reposer et pour arracher une bouchée à son morceau de pain ou mordre à une pomme ramassée sur le bord de la route. Son corps semblait s'alourdir à chaque pas qu'elle faisait. Il se demandait comment elle trouverait la force de porter son enfant plus tard, s'il était déjà pour elle un si pesant fardeau. Un vent frais s'est élevé, chassant la pluie et soufflant du côté de la montagne. Les nuages redescendirent et soudain quelques flocons blancs vinrent la piquer au visage. C'était la première neige de l'année qui tombait sur Hamblin. Les toits du village solitaire n'étaient plus qu'à 1 kilomètre en avant, et elle résolut de pousser plus loin, d'essayer le soir même de gagner la montagne. Elle n'avait pas de projet arrêté. Une fois le but atteint, elle chercherait Leif Hyatt et lui demanderait de la conduire à sa mère. N'était-elle pas née elle-même, comme son enfant allait naître? Quelle qu'était l'existence de sa mère, il était impossible de croire qu'elle refusait de recevoir sa fille, aux prises avec le mal qu'elle avait connu. Tout à coup, la faiblesse mortelle qu'elle avait déjà ressentie l'envahit de nouveau. Elle se laissa choir sur le talus, au bord du chemin, la tête appuyée contre un tronc d'arbre. La longue route et le paysage embrumé disparurent alors à ses yeux, et elle se sentit emportée comme dans un ouragan de ténèbres. Puis ce malaise intérieur se dissipa aussi soudainement qu'il l'avait empoigné. Quand elle ouvrit les yeux, un buggy était arrêté non loin d'elle, et un homme, descendu de cette voiture, se penchait sur elle, la regardant avec des yeux hébétés. Lentement, la conscience lui revint, et il reconnut Leif Hyatt. Elle comprit qu'il la questionnait, et le regarda en silence, essayant de trouver la force de répondre. À la fin, la voix lui revint, et elle prononça dans un murmure « Je vais dans la montagne ».« Dans la montagne ?» répéta-t-il avec un mouvement de recul. Derrière lui, Charity vit dans le buggy, emmitouflé dans d'épais vêtements, un autre homme, visage familier, tout rose, avec des lunettes d'or sur son nez de statue grecque. « Charity, grand Dieu, que faites-vous ici ?» s'écria alors Mr. Miles, jetant les rênes sur le dos du cheval et sautant vivement hors de la voiture. Elle leva sur lui, ses yeux vagues et mornes. « Je vais voir ma mère. » Les deux hommes se regardèrent avec surprise et pendant un moment ni l'un ni l'autre ne parla. Enfin, Mr. Miles dit doucement, « Ma chère enfant, vous paraissez souffrante, et la route est longue. Croyez-vous que ce soit prudent de continuer ?» Charity s'est élevée. « Il faut que je la voie, » répondit-elle vivement. Un vague ricanement contracta le visage de Lafayette, et Mr. Miles reprit, la voix hésitante. « Alors, vous savez donc ?»« On vous a dit ?» Elle le regarda étonnée. « Que voulez-vous dire ? On ne m'a rien dit. Je veux voir ma mère. » Mr. Miles l'examinait d'un air singulier. Elle crut voir un changement dans son expression, et le sang lui monta au visage. « Je veux aller la voir, » insista-t-elle. Le pasteur lui mit une main sur le bras. « Mon enfant, votre mère est mourante. Lafayette est descendu à Hepburn me chercher. Montez en voiture et venez avec nous. » Il l'aida à prendre place à côté de lui. Lafayette grimpa derrière la voiture et ils partirent vers Hamblin. Tout d'abord, Charity avait à peine saisi le sens des paroles de Mr. Miles. Le soulagement physique qu'elle éprouva d'être assise dans le buggy et de continuer ainsi en sûreté sa route vers la montagne effaça l'impression reçue. Mais son cerveau s'éclairait peu à peu, et la compréhension lui vint. Elle savait que la montagne n'avait avec les vallées que des relations très peu fréquentes. Elle avait entendu dire assez souvent que jamais personne ne montait dans cette région, sauf le pasteur, quand quelqu'un allait mourir, et ce jour-là c'était sa mère qui était l'agonisante. Et maintenant, elle allait se trouver aussi seule sur la montagne que partout ailleurs dans le monde. Le sentiment d'inévitable solitude était tout ce qu'elle pouvait ressentir pour l'instant. Ensuite, elle éprouva un certain étonnement à la pensée que Mr. Miles eût accepté une aussi triste besogne. Il ne lui paraissait nullement l'homme qui pouvait se soucier d'aller à la montagne. Et voilà qu'il était à côté d'elle, guidant le cheval d'une main ferme et penchant vers elle le bienveillant reflet de ses lunettes, comme si vraiment il n'y avait rien d'extraordinaire dans leur rencontre en de telles circonstances. Pendant quelque temps, elle fut tout à fait incapable d'ouvrir la bouche. Mr. Miles parut comprendre son silence et n'essaya pas de la questionner. Mais subitement, elle sentit des larmes emplir ses yeux et couler sur ses joues tirées. Le pasteur dut s'en apercevoir, car aussitôt il posa la main sur la sienne et demanda à voix basse. « Qu'a-t-il, mon enfant? Voulez-vous me le dire ?» Elle secoua la tête. Il n'insista pas. Mais quelques minutes plus tard, il reprit sur le même ton, de façon à ce qu'elle seule pût entendre. « Charity, que savez-vous de votre enfance avant de devenir un North Dormer ?» Elle se ressaisit un peu et répondit. « Rien, sinon ce que j'ai entendu dire un jour à Mr. Royal. Qu'a-t-il dit ?»« Il a dit qu'il m'avait emporté de là-haut parce que mon père était en prison. Et vous n'y êtes jamais remonté depuis ? Jamais. » Mr. Miles garda le silence un moment, puis reprit. « Je suis heureux que vous veniez avec moi. Peut-être trouvons-nous votre mère encore vivante, et elle saura que vous êtes venu. » Ils avaient atteint Hamblin. La bourrasque de neige avait laissé des traînées blanches sur l'herbe rude des talus bordant la route et dans les angles des toits tournés vers le nord. C'était un pauvre et morne village accroché au flanc de la montagne, et dès qu'ils l'eurent dépassé, la pente devint plus raide. La route escarpée était pleine d'ornières et le cheval de lui-même se mit au pas. Au-dessous d'eux, le paysage dévalait, immense, et comme semé de grandes taches sombres. C'étaient des forêts et des plaines qui allaient se perdre dans les lointains d'un bleu orageux. Charity s'était souvent figuré ce que serait cette ascension de la montagne, mais il n'avait jamais songé qu'elle lui révélerait un pays aussi vaste, et la vue de cette terre inconnue, s'étendant de tous côtés, lui donna comme une impression plus vive encore de l'éloignement de Harney. Comme il devait être loin, lui qui était par-delà ce dernier rang de collines, qui déjà lui paraissait être aux confins du monde. Elle se demanda alors comment elle n'avait jamais pu rêver d'aller le trouver à New York. À mesure que la route s'élevait, le pays devenait plus morne. Il traversait maintenant des prairies dont l'herbe fanée avait pâli pendant de longs mois sous la neige. Dans les creux abrités, on voyait trembler le mince feuillage de quelques bouleaux blancs ou luire les grappes écarlates d'un frêne de montagne. Seuls les sapins tordus tachaient de leur verdure sombre les rudes saillies des roches de granit. Le vent balayait de son grand souffle la plaine exposée. Le cheval baissa la tête et ses flancs haletèrent. De temps en temps, le buggy oscillait à tel point que Charity dut se cramponner pour ne pas tomber. Mr. Miles s'était tu. Il semblait comprendre que Charity voulait rester seule avec elle-même. Bientôt, la piste qu'il suivait bifurqua et le pasteur arrêta le cheval, incertain de la direction à prendre. Lafayette allongea sa tête du fond du buggy et cria dans le vent « À gauche !» Ils s'engagèrent dans un bois de sapins rabougris et commencèrent à descendre l'autre versant de la montagne. Quelques centaines de mètres plus loin, ils débouchèrent dans une clairière où plusieurs maisons, au milieu de terrains pierreux, semblaient se blottir contre les rochers comme pour résister au vent. Ce n'était guère autre chose que des hangars, construits avec des troncs d'arbres et des planches grossières. Des tuyaux de poêle en tôle rouillée sortaient de leurs toits. Le soleil se couchait, et la brume couvrait déjà le pays au bas de la montagne. Cependant, la lumière jaune du couchant traînait encore sur la clairière, accrochant des clartés lumineuses aux vitres des maisons basses. Quand les derniers rayons eurent disparu, le pays fut brusquement plongé dans le froid crépuscule d'automne. « Plus loin !» cria Lefayette, étendant son bras par-dessus l'épaule de Mr. Miles. Le pasteur tourna à gauche, à travers un maquis de chardon et d'ortie, et s'arrêta devant une des pauvres bicoques. Le bras tordu d'un tuyau de poêle sortait d'une des fenêtres, et les carreaux brisés de l'autre étaient bouchés avec des chiffons et du papier. Comparée à une telle masure, la maison brune au bord du marais aurait pu passer pour le séjour de l'abondance. À l'approche du buggy, deux chiens bâtards bondirent hors de l'ombre avec de grands aboiements et un jeune homme arriva d'un pas lourd au seuil de la porte. Dans le crépuscule, Charity vit qu'il avait le même air enfoigné et farouche que Bachayat, le jour où elle avait vu celui-ci dormir près du poêle. Il ne fit aucun effort pour calmer les chiens, mais s'appuya lourdement contre le montant de la porte, comme s'il sortait d'un sommeil d'ivrogne, tandis que Mr. Miles descendait de la voiture. « Est-ce ici ?» demanda le pasteur à voix basse, en s'adressant à Leif, et celui-ci fit avec la tête un signe d'assentiment. Mr. Miles se retourna vers Charity. « Voulez-vous tenir le cheval, mon enfant ? Il vaut mieux que j'aille voir d'abord, » dit-il, en lui mettant les rênes dans les mains. Elle les prit d'un geste machinal et resta sans bouger, regardant droit devant elle à travers le crépuscule, tandis que Mr. Miles et Lefayette se dirigeaient vers la maison. Ils restèrent quelques minutes à parler avec l'homme sur la porte, puis Mr. Miles revint sur ses pas. Comme il s'approchait, Charity vit que son aimable visage rosé avait pris une expression solennelle et comme terrifiée. « Votre mère est morte, Charity. Venez avec moi, mon enfant, » ajouta-t-il. Elle le suivit, muette et tremblante, tandis que Leif emmenait le cheval. En s'approchant de la porte, elle pensait « C'est ici que je suis née. C'est ici que sont les miens. » Souvent, jadis, elle s'était dit la même chose lorsqu'elle regardait la montagne de loin, par-delà les vallées ensoleillées. Mais dans ce temps, cela ne signifiait rien. Et voici que cela était devenu une réalité. Mr. Miles la prit doucement par le bras. Ils entrèrent dans ce qui paraissait être la seule pièce de la maison. Il les faisait si sombre qu'elle put à peine discerner un groupe d'une dizaine de personnes assises ou étendues autour d'une table faite de planches posées sur deux tonneaux. Ils levèrent à peine les yeux quand Mr. Miles et Charity entrèrent. Une voix éraillée de femme dit « Voilà le prêcheur ». Mais personne ne bougea. Mr. Miles regarda lentement autour de lui, puis il se retourna vers le jeune homme qui les avait reçus à la porte. « Où est le corps ? » demanda-t-il. Le jeune homme, au lieu de répondre, tourna la tête vers le groupe. « Où diable est la chandelle ? J'avais dit d'apporter une chandelle, » dit-il avec une rudesse soudaine à une jeune fille qui se tenait à demi couchée sur la table. Elle ne fit aucun mouvement, mais un autre homme se leva et prit dans un coin une chandelle fichée dans le goulot d'une bouteille. « Le fourneau est éteint. Comment l'aurais-je allumé, votre chandelle ?» grommela la fille. Mr. Miles fouilla dans la poche de son pardessus épais et en tira une boîte d'allumettes. Il alluma la chandelle, et un halo de lumière vacillante se projeta sur les pâles têtes fiévreuses qui surgirent de l'ombre comme des têtes d'animaux nocturnes. « Marie est là-bas, » dit quelqu'un. Le pasteur, prenant la bouteille en main, passa derrière la table. Charity le suivit. Tous deux s'arrêtèrent devant un matelas jeté à terre dans un coin de la pièce. Une femme gisait là, mais elle n'avait pas l'air d'une morte. On eût dit qu'elle s'était affaissée sur ce lit sordide dans un sommeil d'ivresse, et qu'on l'avait laissée étendue à la place où elle était tombée, dans ses pauvres vêtements désordonnés. Un de ses bras était rejeté au-dessus de sa tête. Sa jupe en rayon cachait une jambe repliée, mais l'autre, dont le bas déchiré était descendu jusqu'à la cheville, s'étalait sur le matelas, toute gonflée et luisante. La femme gisait sur le dos, ses yeux grands ouverts et fixés sur la chandelle qui tremblait dans la main de Mr. Miles. « Elle s'en est allée, comme ça, » dit une femme par-dessus l'épaule des autres. Et le jeune homme ajouta « Je l'ai trouvé comme ça, en rentrant. » Un homme plus âgé, les cheveux plats, se poussa entre eux avec un ricanement faible. « Voilà ce qui s'est passé. Je lui ai dit pas plus tard qu'hier soir, si vous ne cessez pas que je l'ai dit. » Quelqu'un le tira par le bras et l'envoya rouler sur un banc le long du mur. Il y tomba, en continuant son récit, que personne n'écoutait. Il y eut un silence. Puis la jeune femme, qui se tenait à demi couchée sur la table, se détacha brusquement du groupe et vint se camper devant Charity. Elle avait l'air mieux portante et plus robuste que les autres, et son visage tanné par le soleil avait une certaine beauté revêche. « Qu'est-ce que c'est que celle-là, qui l'a amenée ici ? » dit-elle, en jetant un regard méfiant au jeune homme, qui l'avait rudoyé parce qu'il n'avait pas tenu la chandelle prête. Mr. Miles prit la parole. « C'est moi qui l'ai amenée. C'est la fille de Marie Hyatt. »« Quoi ? Elle aussi ?» ricana la fille. Le jeune homme se tourna vers elle en jurant. « Ferme ta bouche, toi, ou je te jette dehors. » Il retomba dans son apathie et alla se jeter sur le banc, la tête appuyée contre le mur. Mr. Miles avait posé la chandelle sur le sol et retiré son lourd par-dessus. Il se retourna vers Charity. « Venez m'aider, » dit-il. Il s'agenouilla près du matelas et ferma les paupières de la morte. Charity, tremblante et à demi évanouie, s'agenouilla près de lui et arrangea les vêtements sur le corps de sa mère, si maigre malgré l'horrible enflure des jambes. Ses lèvres écartées dans un dernier hoquet montraient les dents qui lui restaient. Il n'y avait en elle presque rien d'humain. Elle gisait là comme un chien mort dans un fossé. Les mains de Charity se glacèrent en la touchant. Mr. Miles ramena les bras de la femme sur sa poitrine et étendit sur elle son par-dessus. Puis il lui couvrit le visage de son mouchoir et posa la chandelle près de sa tête. Quand il eut terminé, il se releva. « Où est le cercueil ? » demanda-t-il en se retournant vers le groupe qui se tenait derrière lui. Un silence d'étonnement lui répondit, puis la fille éleva la voix. « Vous auriez bien fait d'en apporter un. Où pourrions-nous en trouver, je me le demande ?» Mr. Miles, étonné, répéta. « Est-il possible que vous n'ayez pas préparé un cercueil ?»« C'est ce que je leur ai dit, » murmura une vieille femme. « On y dort toujours mieux. » « Mais puisqu'elle n'a jamais eu de lit... »« Et le fourneau n'était pas elle, » dit l'homme aux cheveux plats. Mr. Miles se détourna et fit quelques pas à l'écart. Il avait tiré un livre de prière de sa poche. Après un instant de silence, il l'ouvrit et se mit à lire, tenant le livre loin de lui, très bas, afin que les pages fussent éclairées par la chandelle. Charity était demeurée à genoux près du matelas. Maintenant que le visage de sa mère était recouvert, il était plus facile de rester près du cadavre et d'éviter ainsi la vue sinistre des visages des vivants, qui prouvaient de trop horribles façons par quelles tragiques étapes celle qu'il avait enfantée avait glissé dans la mort. « Je suis la résurrection et la vie, » commença Mr. Miles. « Celui qui croit en moi, quand il sera mort, vivra. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je ressusciterai de la terre au dernier jour, que je serai encore revêtu de ma peau et que je verrai mon Dieu dans ma chair. » Charity pensa à la bouche grande ouverte, aux yeux vitreux cachés sous le mouchoir, à la jambe enflée sur laquelle elle avait remonté le bas. « Car nous n'avons rien apporté en ce monde, et il est indubitable que nous n'en pouvons aussi rien emporter. » À ce moment, il y eut un mouvement dans le groupe. Quelqu'un s'agitait en grommelant. « J'ai apporté le fourneau, » disait l'homme aux cheveux plats, que l'on avait repoussé sur le banc, et qui tentait d'écarter les autres pour s'approcher du pasteur. « J'ai été moi-même, » l'acheta Creston. « J'ai le droit de l'emporter, et je casserai la gueule à celui qui dira le contraire. »« Va t'asseoir, canaille !» cria le jeune homme qui somnolait sur le banc. Le pasteur continua. « Oui, l'homme passe comme une ombre et comme une image, et néanmoins, il ne laisse pas de s'inquiéter et de se troubler, quoi qu'en vain. Il amasse des trésors, et il ne sait pas pour qui il les aura amassés. » « Tout de même, le fourneau est bien lui !» s'écria une femme d'une voix gémissante et apeurée. Le jeune homme se leva en titubant. « Si vous ne vous taisez pas, je vous jette tous dehors » cria-t-il. « Allez, pasteur, ne les laissez pas vous embêter !» Mr. Miles ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour de lui. « Mais maintenant Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est devenu les prémices de ceux qui dorment. Voici un mystère que je vais vous dire. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. » Et quand ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est absorbée par la victoire. Une à une, les paroles puissantes tombèrent sur la tête inclinée de Charity, adoucissant l'horreur de cette scène, apaisant le tumulte de son âme, la maîtrisant comme elle maîtrisait les créatures hébétées par l'ivresse qui se tenait derrière elle. Mr. Miles lut jusqu'au dernier mot et referma le livre. La tombe est-elle prête ? Demanda-t-il. Les Fayette, qui était entré pendant la lecture, fit signe que oui et s'approcha du matelas. Le jeune homme sur le banc, qui paraissait être un parent de la morte, se dressa de nouveau péniblement. Le propriétaire du poêle se joignit à lui, et chacun d'eux s'empara d'une des extrémités du matelas. Mais leur mouvement était mal assuré, et le par-dessus glissa sur le sol, révélant le pauvre corps dans toute sa misère douloureuse. Charity ramassa le par-dessus et recouvrit sa mère. Leaf avait apporté une lanterne. La vieille femme, qui avait déjà parlé, la lui prit des mains et ouvrit la porte pour laisser passer le misérable cortège. Le vent était tombé. La nuit était très noire et glaciale. La vieille femme se mit à la tête du convoi, la lanterne tremblant dans ses mains, éclairant devant elle l'herbe morte et les touffes d'ortie qui enveloppaient une immensité de ténèbres. Mr. Miles prit Charity par le bras, et côte à côte ils marchèrent derrière le matelas. Enfin la vieille femme, qui portait la lanterne, s'arrêta, et Charity vit la lumière tomber sur les épaules courbées des porteurs et s'épandre sur un petit monticule de terre vers lequel ils se penchaient. Mr. Miles quitta son bras et s'approcha de la fosse, de l'autre côté de la levée de terre. Et tandis que les hommes s'accroupissaient pour descendre le matelas et le cadavre dans la tombe, il prit de nouveau la parole. L'homme né de la femme vit très peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misère. Il naît comme une fleur, qui n'est pas plutôt éclose qu'elle est foulée aux pieds. Il fuit comme l'ombre, et il ne demeure jamais dans un même état. Doucement, maintenant, est-elle au fond ? Soupira l'homme au fourneau. Et le jeune homme cria par-dessus son épaule, « Amenez donc la lanterne !» Il y eut une pause. La clarté de la lanterne brillait faiblement sur la fosse ouverte. Quelqu'un se pencha et retira le manteau de Mr. Miles. « Non, non, laissez le mouchoir !» dit le pasteur. Les Fayette, s'approchant avec une bêche, s'apprêta à combler le trou. Puisqu'il a plu au Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, de rappeler à lui l'âme de notre chère sœur défunte, nous confions son corps à la terre, rendons la terre à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Les maigres épaules de Hayat se levaient et s'abaissaient dans le faible halo de clarté, tandis qu'il frappait sur les mottes pour les jeter dans la fosse. Bon sang, cela gèle déjà, murmura-t-il en plaçant la manche de sa chemise déchirée sur son visage en sueur et en crachant dans ses mains. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformerait notre corps, tout vil et abject qu'il est, afin de le rendre conforme à son corps glorieux, par cette vertu efficace par laquelle il peut s'assujettir toute chose. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Mr. Miles prit la lanterne des mains de la vieille femme et promena sa lumière sur les têtes blafardes qui l'entouraient. Mettez-vous tous à genoux, commanda-t-il sur un ton d'autorité que Charity ne lui avait jamais connu. Elle s'agenouilla sur le bord de la tombe, et les autres, avec des gestes raides et hésitants, se mirent à genoux près d'elle. Mr. Miles s'agenouilla lui aussi. « Maintenant, priez avec moi. Vous connaissez cette prière, » dit-il, et il commença. « Notre Père, qui êtes aux cieux. » Une ou deux des femmes essayèrent de bredouiller la suite avec lui, et quand il eut terminé, l'homme aux cheveux plats se jeta au cou du jeune homme. « Ça s'est passé comme ça, mon vieux, » dit-il. « J'y ai dit l'autre soir, j'y ai dit. » La suite se perdit dans un sanglot. Mr. Miles avait remis son par-dessus. Il s'approcha de Charity, resté à genoux, comme inerte, devant le petit monticule de terre. « Mon enfant, il faut venir, » dit-il. « Il est très tard. » Elle leva les yeux vers son visage. Il lui sembla qu'il venait d'un autre monde pour lui parler. « Je ne m'en vais pas, je reste ici. »« Ici ou cela, que voulez-vous dire ? Ce sont les miens, je veux rester avec eux. » Mr. Miles baissa la voix. « Ce n'est pas possible, Charity. » « Vous ne savez pas ce que vous dites, vous ignorez ce que vous faites. Vous ne pouvez pas rester avec ces gens-là, il faut vous en retourner avec moi. » Elle secoua la tête et se mit debout. Le groupe qui entoura la tombe s'était dispersé dans les ténèbres. Mais la vieille femme à la lanterne restait là et attendait. Son visage triste et flétri n'était pas sans bonté, et Charity vint à elle. « Avez-vous un coin pour me coucher cette nuit ? » demanda-t-elle. Leaf apparut, ramenant le buggy hors de l'ombre. Il promena son regard de l'une à l'autre des deux femmes avec son faible sourire. « C'est ma mère. Elle vous prendra chez elle, » dit-il à Charity. Et il ajouta, élevant la voix pour parler à la vieille femme, « C'est la jeune fille de chez l'avocat Royal, la fille de Marie, vous vous souvenez ?» La vieille hocha la tête et leva ses yeux tristes sur Charity. Quand Mr. Miles et Lee furent grimpés dans le buggy, elle marcha devant eux avec la lanterne pour leur montrer la piste qu'ils devaient suivre. Puis elle revint sur ses pas, et silencieusement s'en alla dans la nuit avec Charity.